Témoignage de Madame Evelyne Guillemot de Tillange, 72 ans, sans profession, recueilli par Messieurs Dechesne et Mikils en décembre 1979. Conviens-nous, Charles? Conviens-nous, Charles, il y a eu 20 ans. Et non? Et on coupe des frises, 250 kilos de frises, tous les deux, Charles. Et mort. Hein? On se plaît bien. Complètement avec cette salle au prix. Et les puces qu'on a coupé des frises à Tillange, si on dit, Pas pour ici, pour tout le village. 16 000 kilos de fraises. Et on a vu combien d'hectares d'implantés? Nos bocaliers, on a 22 parce qu'ils ont pris au malade longtemps. Et on a 22 de bocaux, nous en avons peu, nous avons un hectare. Un hectare? Un hectare, oui. En culture, ainsi. Oui. Mais on ne nous a jamais demandé notre avis. Pas fait cela. C'est les socialistes, il faut bien le dire. Et non, on a vu quatre, des tirantes, et non, consignés, et ils n'ont pas vu chacun 10 millions pour signer nos perditions. Sans le demander à personne. Mais il devait avoir une race cynique de vue cela. Dieu que j'aime comme il devrait vu les boches, mais que ça. Pour le bêche, qui on a un soigne. Quelle neige. Vous avez son niqué. Les premières, elles étaient en panne. Ah, vous comptez que nous ne savons pas rien. On ne voudrait rien dire. Nous avons tout rendu à Dinan. Et il y a un homme de Dinan qui travaille. Il nous a venu nuire qu'il n'avait pas de mois et ils sont pas pour rien dire. C'est Cathy, non? Et on fait cette affaire-là. Ce qui paraît que c'est en marche, nous n'avons plus d'envie d'aller à chaud, ça. À la cascade d'écho, ça va baisser. 20 coups peut faire que la cascade d'écho, les bruits. Quand on mettrait quoi en marche? C'est grand bazar, là. Et on dit 9 et 2. Et il soit 250 mètres de Treuzin. C'est une énorme en main, ça, 250 mètres. À vol d'oiseau, il y en a 250 mètres d'Ilchard. Il en a 250 mètres. C'est ça, pique, qu'il vous dit, mais. Oh! C'est terrible, hein, ça. Il y a des soldats à cette. Ah, ouais, ça. C'est des cerveaux des Bonnevilles. Les qui naissent dans ceux-là? Chasseurs ardennais. C'est ça. Oui, oui. Un non belle de Lucasula. Un pauvre homme. Teste, tu vas. Oh, oui, il y a une autre des varins qui a vu s'arrêter et qui menace de les tuer. On m'a dit. Il y a des braves gens qui chassent tout à vous. Il y a des vieilles femmes qui ont dit pour t'aider jusqu'à des choses de café, des thermos de café. C'est vrai, ils ont fouillé un moment, ben la mine bien. Mais en sûr, il n'y a plus personne qui se plaît bien. Hein. C'est bien simple. Vous pouvez lui vendre ton bouquet de terrain, vous ne pouvez plus le bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On m'a dit, mais c'est vrai, qui est châle ou c'est ça, on serait dans X temps exproprié pour faire une urine pour renforcer l'uranium. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce vrai ou non vrai? Mais ils sont complètement contre. D'ailleurs, on ne sait pas manier nos légumes des bons cours. Tu as vu là des bonnets purs, des légipons. Elles ont tourné tout à rien. C'est parce que René a soit à la clinique 9 semaines. Nous chamènes, non? Et il y en a plusieurs purs, hein, mais il y a les tutos les deux à la clinique. Autrement, on a rubé les filles vérifier nos purs. Elles sont des nouilles toutes mûres. Et non, moi, on ne peut manier ni fruits, ni légumes sans les laver 4, 5 ou 5 ou 5 coups. On peut bien le dire. Cause de la centrale. Cause de pourri et centrale, qu'il dit. On peut le bien dire, les pourri et centrale. Et d'ailleurs, si les vieux tirons, il va qu'on dire où tu es. Si les anciens tirons, vraiment, les cavines, les pugnes, et bien, les signes tout armés, on n'a jamais mis une première pire. Ça, je vous jure. On a vu ça. Dès le début, on s'est tué contre Charles et la région. Oh oui, oh oui. Là, lui, mes filles, il a ce camarade qui a si bien. Il a fait une pétition. Il a vu quoi de saint aider tout seul. Il n'y a personne qui a voulu mettre à vous, hein, monsieur. Et on a les bourgmestres qui ont bien vite fait une ferme. Qu'est-ce que tu as la chose à la commune? Fermerait un char, et non. Quand nous lui dire, c'est une cessive qu'on allait les ramasser. Il s'est dit non, mais on a un soigne. Et il a dû cesser, tout ce qu'il voulait qu'il a refait. C'est ce que avant les fusions de communes, sous là. Ah oui. Ah oui, c'est une côte des tirs. Parce que les communes sont contre, à vous. Ah oui, ils ont retourné le Kazakh. Qu'on lance à vous les millions d'Arlequin. Mais c'est une sacrée ferme à pour nous autres, et surtout pour le système nerveux. C'est que vraiment, nous à Tihon qui n'a vu que 7 ans. Donc, il va avoir 70 ans. C'est carré comme si j'avais une monte à Tihon. Il est sur Dama, une monte à Ama. Il va avoir mes 70 ans, le 22 janvier. Donc, hein? Mais c'est vraiment triste et c'est inhumain, surtout si on ose évacuer une échelle trop. Parce qu'il est dur, qu'il y a une camarade qui meurt derrière moi, à gauche, là, les petites. Non, eh bien, même qu'une plounait, hein, monsieur, eh bien, poudrie, secours, eh bien, elle a fait une petite chose. Vous voyez, elle a fait une petite véranda, tellement que je suis tout friche. Tout faire, de retomber. Parce que pour donner un peu de retomber, il n'a ça. De vapeur. S'il vous plaît. C'est de la vapeur qui... Oh, de enfin, mais qu'est-ce que c'est de ton vu ton nu. Vous avez vu vos coquemarques qui n'ont vu de la vapeur nu, vous. Oh! Je suis complètement contre, moi. Il y a un commis d'air vu Hitler qui revient à Tihon, moi, qui a vu sous là. C'est quoi plus criminel sous là? Et toi, ces fils là, quand ça met. Ah, c'est commis ça! C'est commis ça! À deux costés de Mohon. Et il a demandé, est-ce qu'il serait dédommagé, il est sous là. On a dit, madame, les terres, les ciels, c'est n'est pas d'avou. C'est ça, tout, c'est ça, tout, mince. Et là, sauf les fouilles, là, il doit mettre. Nené. Une nuit de grand vent, tu ne fermes pas l'œil. Oh, on s'arrue. Ça met nos boucans terribles. C'est comme si on voulait le fricasser à vos deux saisons. Deux saisons. Ça fait vraiment comme. Oh, j'ai deux moutons de sol, il mourut des sols. C'est facile de vous en rendre compte, venez un jour qui pleut. Mais il y a des wallons. Il faut le dire wallon. Il y a des wallons. Venez un jour qui pleut. Nous verrons pour qu'il nous verre. Non, à mon nez, c'est pour balino pur, c'est tout. Tout mûr. Ah, t'aurais dit, hein? Des grusalis fricassés, c'est une nutte. Ah oui. C'est une nutte. Et des bébés gognards. C'est un jour, c'est une nutte. Fricassés, tu peux aller prendre les feuilles et les broyer comme ça, ça tombe, il faut peiner. C'est bien mis ça. Et dans nos grusalis à spin, qu'est-ce qu'il y a de rempli de grusalis? Nous avons des maninous, les longs, tout, mais tout pourri. Tout cuite. Non, non, ça n'est pas arrivé. Ça brûle. Et sous là, malheureux, vous avez une belle soeur. Et on ne va pas tout de suite. Même affaire. Qu'est-ce que nous avons dit sous là, nous autres pauvres? C'est-tu bien mis la nature? Et puis en plan résumé. Et wallon. En plan résumé, puisqu'il fallait de saloperies de centrales comme ça, hein. Eh bien, qu'on faisait des saloperies de centrales pour qu'ils belles brûlent les courants. Mais on fait une saloperie de centrales aussi qui ont produit des courants et il n'y a pas un gramme de brûlant en Belgique. Non. Donc, si les Allemands ou les Hollandais ou les Français volaient des saloperies atomiques, ben, qui peut dire des saloperies pour le faire? Justement. Hein? Ça n'a nul intérêt pour nous autres, ça? Absolument rien. Ça, c'est un bon intérêt. Pour commencer, quand ils ont commencé à vouloir planter sous là, les mailleurs ont fait des réclames à tous les mailleurs qui sont morts, qui doivent se faire dire. Oui, mais, il est crevé, mais. Et si là, il a fait des réclames qui ont allé pas commencer à occuper 250 ouvriers qui chômaient aussi avoir aussi pour la construction, pas encore pour rôter, pour la construction. Hein? Il y a où 250 ouvriers, mais 250 Français. Nous voulons construire. Hein? C'est un indus, ça. Ah, mais c'est bien que c'est juste, mais ils faisaient le dur sur les ouilles de menouf. C'est bien simple, nous avions 12 caravanes des Français Charles nous autres. Ah, tous les ouvriers qui travaillaient là. Et ils nous avaient dit qu'ils fumaient, non, qu'ils avaient saboté. On pouvait marquer. Ce qu'on a vu comme conseil communal à ce fait-là, c'était toute la même clique. C'est toute la même clique. Parce que quand ils l'ont accepté qu'on plante les premiers, ils ont accepté trop d'un coup. En premier coup, qu'on a gazé, ils ont accepté trop d'un coup. Mais tout le monde, tout le secrétaire conseil communal, on a besoin de ne jamais relever au moins aux administrés. Hein? Non, rien du tout. On a fait ça avec nos quatre. Et c'est donc. C'est donc, qu'est-ce que tu as conseillé à ce là et qui est quoi, qui va nous dire le mohon, qu'on a voté le premier, on a voté trop. On a voulu des gendarmes. Pour rire, ça fait un adjudant dans une gendarme. C'est dit qu'il voulait venir, mon fils. Non, à livrer à Tihon, c'est si bien, c'est le plus bel des coin de Tihon, ça. On n'est pas lui dire ça, tout qui go, hein. Ah, malheureux. Il y a un collégien qui font bâtir des mônes, Charles. Une poupée. Une poupée. Une poupée. On ne fait pas bâtir l'alcopette, hein. Une nouvelle cité, là. Une pleine elfie, sûrement on les tolère. Parce qu'ils touchent. On les tolère, mais ils ne peuvent pas le faire, mais on les tolère. Tiens, quand ça y est, on trouve c'est toi, on va arrêter. Ah, ça. On dresse pour se faire le bal parce qu'il trouve, parce qu'il c'est un ahout. Et Stéphane, ça quoi pour le mettre ahout? C'est à vous demander l'autorisation, t'es quoi ramassé? Et nos camarades des murs copus près lui, à l'autre côté de la rame Saint lui. Et les copus mâmes et tout. Ainsi. Nous faisons dix. C'est biche. L'air vient de là. Tout à fait sur lui. Et si c'est biche, elle ne va ainsi. Absent et puis malotique aussi. C'est pas sous là que vous venez, Charles. Oh, oui, ben, il a nous que les autres, les amis. Il a nous à monte, lui. Attention, ça. Oui, il me gamme aussi. Il a nous à monte, ce moron, Charles. Même gamme, elle a su fouir, ma vate, et ce qu'on a vu faire. Elle voulut ramasser le massi pourri. Elle ne voulut pas marquer le massi pourri, le grand. Elle n'a pas besoin de sa maison. Pourri, on. On met ça au fait terre. C'est aussi, pareil qu'il était une baillard. Voilà. Il est tout aussi bordé pour le sourd que pour l'autre, le grand. Et non, aujourd'hui, il est aussi à mon neveu, mon camarade de Bévi. Et il y a une sorte de ce pour voilà ce moment. Et elle l'engueule tout le monde. Et lui, il arrive aujourd'hui, il est mon de Bévi. Il dit, je n'en amène une plainte, mais il dit, elle n'est jamais rien. Elle est bien comme elle est. Ah, elle n'est jamais rien, dit. Eh bien, c'est bien quoi, dit. Nous allons aller mourir 15 jours du temps de mourir. Tu vas aller 15 jours aussi. Tu me dis de nouvelles. Il n'a plus rien du tout, il n'a plus souffert. Parce qu'il avait eu l'esprit à pied d'abord. Il n'a déjà de mourir. Mais il n'y a pas de c'est inhumain, c'est des biais, c'est crévé qui sont faits. Je vous bien dire. Haut écrit à tout le monde. Parce que c'est inhumain, c'est les 10 millions qui l'ont à vous chacun. Il n'a que deux à mourir. À fille comme les autres. Parce que si ça veut tout, les grands pires dans ces chaves, et bramaient des vitillons, tu vois. Eh bien, les signes tout armés, ils n'arrivent pas tarder de vin. Parce que c'est vitillon, tu sais, c'est quand même c'est très dur, hein, tu n'as qu'à plus nous. Il n'y a plus nous, quoi. Hein. Il n'a vu 17 morons, elles jouent. Dans le copier. Mais il n'a vu ni des morons. Alors, nous restons de vin. Nous sommes dans la sauce ici. Vous savez. Eh bien, pourquoi les fiers disent des choses dans d'un, par exemple, parce qu'on fait une. Il y en a une, vous savez, moi, je n'en ai dit, parce qu'il y en a une. Qui laisse les autres tranquilles. Hein. Et ils vont aller pufquiner toute la Belgique comme ça. Après, on donne, c'est des nameurs, et puis après, nameurs, c'est des divets, et vous voyez, et ainsi de suite. Il n'y aurait plus que ça, tout le monde. S'ils doivent faire quelque chose, ben, que les métèques, tout est puisque nous y sommes nous autres, ben, on y est. Hein. Il nous a resté. Ben, c'est ce que c'est. Abeille descend et vivement la fuite, non? Ah, une belle affaire. S'il n'est pas sur une sacochale. Ben, le saron copé foire. Ben, là, il saron copé foire. Le saron copé foire. Qui coûte 50 km en minimum. Malheureux, vous verrez qu'on a tant souffert. Parce que je vous ai pris un petit peu aussi, mais je vous ai pris un petit peu une autre aussi, parce que sinon, parce qu'il nous restons morts, il faut qu'une autre le soit aussi. Et tout le monde est malheureux, hein. On ne se plaît plus. Ben, on ne veut plus personne qui rit, on ne veut plus. C'est vrai, ce n'est plus les mêmes. Ce n'est plus du tout le même vie, enfin. On... Ah voilà, monsieur Bott, sans attention. Pas dire les derrières. Vivement descend, vivement la fuite. Mais... Voilà, veille. Je vais vous salir, hey, c'est ça, Peter. Ah ben non, bram un peu long. Elle condro. Voilà. Ben non, le plus long possible. Mais peu vu ça. Dites Charles, non, comme les sommets, dis veillez les batailles, sumous, dis veillez les trains, dis veillez toi, Saint, dis veillez, on ne veut même plus l'église d'âme Saint de Charles. On a vu le peu bête des coudouilles, on n'a plus rien du tout. Si, à qu'on nous pète, on tremble. Ces petits bruits qu'on nous ont pour voir, l'eau n'a vu qu'on brille, un homme, est-ce que c'est le premier ou le deuxième, non, c'est pas on a. On tremble. On est tous à chose en main. Comme on tient, casse tout, rapide, Hein, des robettes qu'on est en train de le voler tout, nous restons comme ça. Comme nous restons, ben, il nous a dû. Mais tu dis, je vous assure que ça m'a fait bramer le poing. Et tous les gens sont comme ça, Charles. Oh, on a dit qu'ils sont trop bien, ça, monsieur. Une coupure de nez, une coupure de nez. Et t'es qu'il y a nous danger, t'as tu sais du danger. D'ailleurs, il y en a, ça vous bramer des fuites, en premier. D'ailleurs, c'est dur que les Français, Christine Chalavine, dit qu'il avait une sabotée. Où est-ce qu'il fallait faire des trous? Il avait une mettre tout plein. Pour les bus. Pas d'un demander, hein. Il a dépassé qu'ils sont révoltés, c'est de long, hein. Mais jamais c'est bien plein qu'à vouloir les caravanes, les journées fumées tout sous là, vous mémé. Mais n'est pas ce qu'ils faisaient ça, c'est un oeil ce qu'on faisait sous là. Et c'est là aussi, mais vivement la fuite quand on a vous fini, c'était vous, ils disaient, hein. Parce qu'ils me disent, j'ai sauté mes rires. On a vu les choses, les directeurs de la centrale qui disaient à la télévision, à vous qu'on nous qualifie. Et non? Une heure après, ils téléphonent, non, mais prends de parole. Très bien jasé, monsieur Califis, dit-il. Et voilà. Sûrement, dit, vous avez trouvé une sacouée, dit. Vous avez trouvé de jasé des environnants, dit. Et c'est qu'est-ce que tu devons voir là, dit. Il y a eu bien voulu poudre pour le fusilier, dit-il. Il vous a le dieu. Si tout le monde est comme il ne les a rien fait. Même qu'il y a une ferme. Mais eux, deux, ils ont un sogne. Il y en a un sogne, mais. Il y a deux, il y a un commis de revue, des boches qui sont là. On se pourquoi ça a vu. Là, vous les boches. Et enfin, vous allez destiner méchants. Voilà. Naturellement, c'est malheureux pour les circonstances à la guerre, mais vous les civils, ils ne du tout méchants. J'ai vu dire que les Américains et les Anglais sont plus canailles que les boches. C'est bien sûr. Ah ah. Vous enregistrez, attendez, ben, il y a quand fini. Est-ce qu'il va gagner, mes bessous là? On a un fameux fardeau sur le dos, c'est terrible. Hein. Quand nous allons à Ruport, là, et que nous veillons sous là, ah, monsieur, c'est terrible. Et me fait, lui, aïe, aïe, aïe, il n'a vraiment noyé de ce qu'on a fait, non. Quel affront qu'on lui a fait. Et vous avez dit qu'il n'a décidé, il a quoi ça, ces choses, c'est papy. Du coup, c'est 350 ou quoi de 550 qu'il vient signé. Et il a wardé. Et il wardé toute sa vie. S'il a vu à vous sûr, mais nous vous dis, j'ai voulu, ça russe tout. Et tous ceux qui vont le faire. Rien à faire, hein, tous ceux. C'est une autre petite bête, tous ceux.